Quelle heure est-il? 1. Il est midi et demi. 2. Il est 8h15. 3. Il est 7h20. 4. Il est 11h-10. 5. Il est 2h-15. 6. Il est 12h10. 7. Il est 5h-25. 8. Il est 11h-20.